إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 20 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. C'est un livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Et c'est avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, les commentaires qu'il a écrits sur Al-Fatwa Al-Hamawiyya, et qui s'intitule « Al-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya ». Donc on est aujourd'hui le cours 20, on commence le cours 20, et le Cheikh Mohammed, le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il commence en disant, on commence à l'endroit où il explique que, est-ce qu'on a lu ça au dernier cours? ولكن كان منهم أو أكثر من كفار المشركين فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. أي نعم. إذ ذاك يعني على وقت الخليل. Donc le Cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah, il explique, il dit que les Sabi'un qui vivaient à l'époque de Ibrahim alayhi salam, eh bien, ils étaient des kuffars, la majorité d'entre eux c'étaient des kuffars et des mushrikines, et ils adoraient les étoiles. Et ils construisaient pour les étoiles, ils construisaient des temples et des hôtels pour leur adoration. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, كانوا إذاك يعني على وقت الخليل عليه السلام كانوا كفارا ومشركين وهم في أرض بابل من أرض العراق وهم ومنهم مجموعة أو ومنهم جماعة في حران التي قيل أن الجعد منها شمال الشام. Donc Cheikh explique que à l'époque donc de Ibrahim عليه السلام, ces gens-là étaient les Sabi'a, ils étaient des kuffars et des mushrikines, et ils étaient installés dans la région de Babylone, en Irak. Et donc ils adoraient les étoiles et les constellations, et ainsi de suite. Et il y avait un groupe d'entre les Sabi'a qui était également installé dans la ville de Harran, c'est-à-dire dans le nord de Sham, dans le nord de la région de Sham, c'est-à-dire la région du Moyen-Orient, yani, qu'on appelle Sham en arabe, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, la Jordanie, le Liban, toute cette région-là au complet, on appelle Sham. Ensuite, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit « Wa madhhab al-nufat » من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. Donc le Cheikh il dit que la voix des négateurs parmi ces mushrikines et ces sabi'un, hein, ceux qui ont inspiré la voie des Jahmiya, al-Jahm ibn Safwan, et ceux qui les ont suivis. Donc à la base, comme on a expliqué, ils sont inspirés des sabi'a et des mushrikines, et également des juifs et des chrétiens, des philosophes grecs, et ainsi de suite. Donc, leur voie à la base, c'est qu'on n'a pas le droit de décrire, ou bien on ne doit pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala, ou parler de Dieu, excepté par des attributs de négation. Donc, eux, ils disent que si tu parles de Dieu, tu dois le décrire par des négations seulement. Salviya. Salviya, ça veut dire des négations. Ou idafiya, c'est-à-dire des attributs qui sont relatifs. Et murakkaba, ou murakkabatun minha, c'est-à-dire qui sont soit salviya et idafiya ensemble. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan. Il explique. Il dit as-salbiya min as-salb an-nafi. فلا يصفون الله إلا بالنفي فيقولون الله ليس له وجه وليس له يد وليس له كذا وكذا يعني وليس في جهة ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة إلى آخره وليس عندهم إلا النفي في حق الله عز وجل حتى يجعلوه معدوما فعلى الله عن ذلك. Donc, comme on a expliqué, comme Cheikh l'Islam il le dit, qu'ils ne font que décrire Allah subhanahu wa ta'ala par des négations seulement. Hein? Ils n'affirment rien à Allah subhanahu wa ta'ala d'affirmation. Uniquement, ils le décrivent uniquement par des négations. Donc, par exemple, ils vont dire Allah, il n'a pas de visage, il n'a pas de main, il n'a pas et ainsi de suite. Donc, il n'a pas de visage, il n'a pas de main, il n'est pas en haut, il n'est pas en dessous, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, hein, il n'a pas d'espace, il n'a pas de, donc, ils vont faire que des négations. Et c'est ce qu'ils disent. Les philosophes, c'est ce qu'ils disent, et ceux qui les suivent. Ils ne peuvent pas dire ce que Dieu est, on peut seulement dire ce que Dieu n'est pas, hein. Ça, c'est une de leurs règles. Ils disent, on ne peut pas dire ce que Dieu est, on peut seulement dire ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est bien entendu, c'est contraire au Coran. Puisque dans le Coran, il y a plein de descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il nous décrit, hein, dans le sens qu'il nous parle de lui-même, et il nous dit comment il est, quel attribut il a. C'est-à-dire, il nous dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Sage, hein, qu'il a deux mains, qu'il a un visage, qu'il est au-dessus de son trône, hein, qu'il parle. Tout ça, il nous le dit dans sa révélation. Donc, ça vient totalement en opposition avec la voix des Nufat. Il y en a parmi les négateurs qui utilisent la voix de ces gens-là, hein, qui nient les attributs d'Allah. Et ils disent, donc, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc, ils n'ont rien d'autre à propos d'Allah que la négation, jusqu'au point de faire de lui quelque chose qui équivaut au néant. Hein? Donc, c'est comme s'ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala par le néant, en fait. Ils font ressembler Allah au néant. Et c'est ça ce que Cheikh l'Islam a mentionné, et d'autres également parmi les ulama. Donc, regardez, c'est négateurs. Regardez ces gens-là, parmi les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiya, les Mu'tazila. Hein? Ils disent qu'ils ont peur de faire des ressemblances entre Allah et sa création, donc ils vont vers la négation des attributs. Donc, au lieu de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la création, ils le font ressembler au néant. Hein? Ils font tashbih d'Allah en le décrivant par les attributs du néant, et ça c'est encore plus grave, hein? Et en même temps, bon, comme Cheikh Mohamed Aman Al-Jami l'a expliqué, et d'autres également parmi les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen et plein de les ulama d'Ahl Sunna, ils ont mentionné que lorsque les gens de la Sunna parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se basent sur les textes de la révélation. Et ils affirment ce que Allah affirme et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam affirme à propos d'Allah. Et ils nient ce que Allah nie. Et on voit que dans la révélation, l'affirmation, elle est précise et détaillée, et la négation, elle est générale. Hein, elle est générale et globale. Hein, tandis que chez ces gens-là, c'est le contraire. Leur négation, elle est détaillée, et leur affirmation, elle est générale. Hein, ils n'affirment pas d'attributs spécifiques, ils n'attribuent que des attributs généraux. Hein. Ça, c'est lorsqu'ils en affirment. Sinon, la plupart, comme on a dit, ils nient. Hein. Ils ne vont qu'affirmer une existence, c'est tout. Et en même temps aussi, les gens d'Ahle Sunnah al-Jama'a, lorsqu'ils affirment, ils affirment selon les textes, comme on a dit, et ils se limitent aux textes. Ils ne vont pas inventer des termes d'eux-mêmes pour les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ou pour les nier. Ils se limitent à la révélation. Et en même temps aussi, lorsqu'ils nient quelque chose que Allah s'est nié à lui-même, eh bien, ils vont affirmer son contraire. Ils vont affirmer son contraire. Comme par exemple, si on nie par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala mange, eh bien, en même temps, on va affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même et qu'il n'a besoin de rien. Lorsqu'on va affirmer, lorsqu'on va nier par exemple le sommeil à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est la même chose. On va affirmer la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute puissance et ainsi de suite. Lorsqu'on va nier, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'injustice, eh bien, c'est pas juste dire il ne fait pas d'injustice, on va en même temps affirmer qu'il est absolument juste et totalement juste, hein, parfaitement juste. Donc, c'est pas juste de nier, hein, c'est aussi d'affirmer le contraire de ce qu'on nie, et c'est ça là, qui représente une perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas juste de nier quelque chose. Parce que si on nie à une créature, on lui nie une imperfection, ça ne veut pas dire qu'elle possède une que c'est une perfection qu'on lui donne. Comme j'ai donné comme exemple au dernier cours, ou dans les cours précédents, j'ai mentionné cet exemple-là, que Cheikh Ibn Uthaymeen avait mentionné dans son charh de Al-Hamawiyya. Cheikh Ibn Uthaymeen avait donné l'exemple, il disait, si tu dis à propos du mur, qu'il ne fait d'injustice à personne, est-ce que c'est une glorification pour le mur? Non, puisque yani, c'est pas seulement qu'il ne fait pas d'injustice, mais il ne fait pas de justice non plus. Donc, il n'y a pas de glorification là-dedans. Hein? Donc, c'est très important de comprendre ce principe-là aussi. Ensuite, al-sifatul idafiyya allati la tutasawwar illa ma'a ghayriha mithlu walid وهذا ما يتصور إلا إذا كان معه ولد وكلمة فوق لا يتصور إلا إذا كان تحته شيء وهذه الصفات الإضافية هي الصفة التي لا تتصور إلا بإضافتها إلى غيرها. Donc le cheikh il dit الصفات donc l'attribut الإضافية si on veut on peut dire bon l'attribut relatif c'est quoi? C'est celle qu'on ne peut pas concevoir sans qu'elle soit rattachée à son opposé ou à quelque chose d'autre. Comme par exemple, lorsqu'on dit par exemple un fils, par exemple la notion de fils, c'est rattaché à la notion d'un père. Tu ne peux pas penser à un fils sans penser au père. Et tu ne peux pas non plus concevoir un père sans penser à également un fils. Les deux sont reliés. Par exemple, si tu parles d'en haut, si tu dis que quelque chose est en haut, eh bien, automatiquement, ça renvoie à la notion que il y a quelque chose en dessous aussi, en bas. Hein? Ou bien, si tu dis quelque chose est loin, ça implique son contraire, qu'est-ce qui est proche. Donc, c'est des choses qui ont rapport avec la relativité des choses relatives, qui se comprennent uniquement par leur opposé. Hein? Si tu dis quelque chose est chaud, eh bien, c'est par opposition à qu'est-ce qui est froid. Hein? Donc, eux, ils, Yani, il ne parle d'Allah que par ces moyens-là, soit par des attributs de négation ou par des attributs de relation et de relativité. Et parfois les deux ensemble, murakkaba, c'est-à-dire salbiya et idafiya en même temps. Et le cheikh il dit les deux, d'utiliser ces deux méthodes-là, c'est une des deux ou les deux ensemble, c'est faux. Hein? أو مركبة من السلبية والإضافية وكلاهما باطل. Les deux sont, les deux c'est faux. Après le شيخ il dit: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. Donc c'est ceux-là vers qui Ibrahim al-Khalil a été envoyé. Ibrahim عليه السلام lorsqu'il a été envoyé, il est envoyé aux Sabi'a, à ces gens-là. Hein? Et le Cheikh Al-Fawzan il dit Ibrahim alayhi salam yani arsalahu Allah ila as-Sabi'ah hein fi bilad Babil min al-Iraq thumma lamma tamarradu alayhi wa asaw wa alqawhu fi an-nar wa anjahu Allah minha hajara ila ash-Sham wa qala inni muhajirun ila Rabbi فهاجر من أرض بابل إلى أرض الشام ووضع بعض ذريته في الشام ووضع بعضهم في مكة وهو إسماعيل وأمه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Donc le cheikh explique que Ibrahim عليه السلام Allah سبحانه وتعالى l'avait envoyé au Sabi'a dans la Babylonie, c'est-à-dire à Babylone. Et Babylone, c'est l'Irak, aujourd'hui. Hein? Puis, lorsque son peuple se sont rebellés contre lui, ou bien ont essayé de le... ont désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils ont refusé d'accepter sa da'wa, ils ont voulu le brûler. Hein? Ils ont voulu le brûler, le jeter dans le feu. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a sauvé de ce feu. Et c'est à ce moment qu'il a fait la hijra. Hein? Ibrahim alayhi salam a fait la hijra et il a quitté son peuple. Il est parti vers Asham, c'est-à-dire la région qu'on a mentionnée tout à l'heure, yani la Syrie, yani la Palestine, la Syrie, la Jordanie, toute cette région-là on appelle en arabe Asham. Et il y a un verset dans le Coran justement à ce sujet-là, dans Sourate Al-Ankabut, le verset 26. Hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et Ibrahim dit je suis un muhajir, c'est-à-dire inni muhajirun, c'est-à-dire je fais la hijra vers mon Seigneur, c'est-à-dire je quitte ce pays où il y a des mushrikines et des kuffars qui refusent la vérité et qui adorent autre que Allah, et je m'en vais vers une autre terre où je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, il a quitté la terre de Babylone et il est parti vers Asham, hein, la Syrie, dans cette région-là. Et il a laissé certains de ses descendants dans la région de Asham, hein, c'est-à-dire certains de ses enfants qu'il a eus avec une de ses femmes. Et l'autre, il les a laissés, son autre famille, il l'a laissé à Mecca. Et c'est Ismaïl. Hein. Ishaq était dans Asham et Ismaïl dans à Mecca. Et il a dit wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Il a dit je vais vers mon Seigneur, il va me guider. Dans sourate As-Saffat, le verset 99. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit fa yakun al-ja'd akhadha an as-sabi'ati al-falasifa. Donc al-ja'd ibn Dirham, il a pris, hein, celui dont on a parlé au dernier cours, celui qui était le premier dans la Ummah de l'Islam à avoir ramené les idées de négation des attributs d'Allah, hein, c'était Al-Ja'd ibn Dirham. Et bien lui, le chef il dit, Ibn Taymiyyah il dit, il les a pris ces idées-là des Sabi'a, des philosophes Sabi'a. Et Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Ja'd akhadha maqalatahu an thalathi firaq min ahli al-dalal an as-Sabi'a وعن اليهود وعن الفلاسفة. Donc Al-Ja'd ibn Dirham il a pris sa position par rapport à ses fausses croyances et à la négation des attributs et des noms d'Allah, et il a pris des gens de l'égard, de trois sectes ou de trois groupes parmi les gens de l'égarement. Il les a pris premièrement des Sabi'a, il les a pris des Juifs, et il les a pris des philosophes. Donc ça c'est les trois groupes. Après, le Cheikh il dit: وَكَذَلِكَ أَبُو نَصْرٍ الْفَرَابِي دَخَلَ حَرَّانِ. Il dit la même chose également pour Abu Nasr al-Farabi. Al-Farabi, c'était un philosophe. Et si je me souviens bien, il était l'élève de Ibn Sina. En tout cas, c'est des philosophes qui sont très connus parce que ils ont une popularité parce que les Occidentaux fait les éloges de ces philosophes arabes, ou soi-disant arabes, parce que la plupart ne sont pas des arabes, mais ils étaient musulmans. Donc les occidentaux, tout le monde qui sont musulmans, toute personne qui vient des pays musulmans, peu importe de quelle secte il fait partie, et peu importe de quelle origine il est, il le considère comme un arabe, même s'il était perse ou d'une autre ethnie. Ils ne font pas de distinction. Et donc Abu Nasr al-Farabi et Ibn Sina, tous ces gens-là, c'est des hérétiques. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils font partie des sectes qu'on appelle les Qaramita, parmi les sectes des Batiniya, les sectes ésotériques, qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme les Ismaélites, les Druzes, les Nusayriya, toutes ces catégories de sectes ésotériques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, ces gens-là font partie de ceux-là. Donc, les Occidentaux, eux, les élèvent et leur donnent une bonne réputation. Alors, certains musulmans qui ignorent la réalité de ces personnes-là leur donnent du respect aussi. Puis, ils parlent d'eux, ils mentionnent leur nom comme si c'était des références. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui appelaient au kufr et à l'égarement. Donc Abu Nasr, le Cheikh Al-Fawzan, il dit Abu Nasr Al-Farabi هو المعلم الثاني للفلسفة والمعلم الأول للفلسفة أرسطو اليوناني. Donc il dit que Abu Nasr Al-Farabi, c'est le deuxième professeur de la philosophie. Le premier professeur, c'était le philosophe Aristote, Aristote le grec. Et Al-Farabi, son nom c'est Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzlir al-Turki. Donc il est d'origine turque. Il est né environ vers l'an 259. Et il est mort en l'an 339 environ. Donc, ça c'était la période dans laquelle il a vécu. Et comme j'ai dit, c'est des gens de l'égarement. C'est fait partie des gens de kufr, de l'égarement. Et la même chose pour Ibn Sina. Ibn Sina, il l'appelle Avicenne. Il a pris ses idées. Lui aussi, il est rentré à Harran. Il est rentré dans la ville de Harran, au nord de Hacham. Et il a pris ses philosophies des Sabi'in, de cette région-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit Abu Nasr Al-Farabi. Il dit, oui c'est ça. Donc ça on l'a lu déjà. Il dit wa akhadha an falasifati as-sabiin tamama falsafatihi. Donc c'est des sabiin qu'il a pris sa philosophie. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit wa hadha mablagh 'ilm al-Farabi annahu dhahaba ila as-sabi'a al-mushrikin wa tatalmadha 'alayhim wa akhadha ad-dalal 'anhum. ومع هذا يفتخر به الجهال من المسلمين كما يفتخرون بابن سينا الإسماعيلي والنصير الطوسي الشيعي وغيرهم من أقطاب الضلال. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est la limite de la science de Al-Farabi, qu'il est allé prendre sa science chez les mushrikins parmi les Sabi'a, et il est devenu leur élève, et il a pris de leur égarement. Et malgré tout, tu vois certains ignorants parmi les musulmans qui en font un objet de fierté. Hein. Ils parlent de lui comme avec fierté, comme c'est pour dire nous on a Al-Farabi, hein, ou des choses comme ça. De même qu'ils se vantent également de Ibn Sina al-Ismaili. C'est un Ismaïlite, un Qirmiti de la secte des Qaramita, des Batiniyoun, des ésotériques égarés. C'est des mécréants ces gens-là, c'est même pas des musulmans. Ils croient pas en Allah, ils croient pas en le paradis, ils croient pas en l'enfer, ils croient pas au Coran, ils croient pas au prophète. Hein? Tout, yani, toutes ces choses-là, ils n'y croient pas. Ils disent que c'est des choses yani, symboliques, yani, c'est pas réel. Hein? Pour eux, un prophète, c'est juste un homme intelligent, un philosophe, c'est ça un prophète. Il n'y a pas de révélation ou d'ange. Hein, ils disent qu'il y a des gens, quand ils sont très intelligents, parfois ils peuvent inventer des êtres ou des mondes abstraits, des choses qui n'existent pas réellement. Et ils parlent aux gens en leur disant des choses pour les contrôler, uniquement pour les contrôler, pas parce que ces choses-là existent vraiment. Donc ils mentent aux gens. Ça c'est la pensée ou l'idéologie des gens de ces sectes-là. Ou bien An-Nasir al-Tusi, Tusi al-Shi'i. Ça aussi, c'est un des gens de l'égarement. Et tous ces gens-là sont des pôles de l'égarement. Et malgré ça, tu vois des musulmans qui vont, par exemple, ouvrir des écoles musulmanes et ils vont les appeler l'école Ibn Sina, par exemple. Ou bien des librairies. Ils vont les appeler la librairie Ibn Sina. Ou bien... ou bien des choses comme ça, ils les appellent comme ça. Et comme Cheikh Al-Fawzan avait dit dans un autre contexte, il a dit, bon, peut-être que dans la médecine, dans ces choses-là, ils ont découvert des choses, ils ont fait des choses qui étaient bénéfiques, mais il faut, dans ces choses-là, il n'y a pas de problème. S'ils ont amené des choses dans la médecine, c'est correct, mais quand ils parlent de la religion et quand ils parlent d'Allah, eh bien ça, c'est des gens qui appellent au kufr. Donc il ne faut pas les élever, et il ne faut pas se vanter d'eux ou des choses de ce genre. Ce n'est pas permis. Et après, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « وَأَخَذَهَا الْجَهْمُ أَيْضًا فِي مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ لَمَّا نَاظَرَ السُّمَنِيَّةِ بَعْدُ فَلَاسِفَةِ الْهِنْدِ » Le Cheikh, il dit que الجهم, également, il a pris cette aqidah des philosophes de l'Inde qu'on appelle As-Sumaniyya, tel que cela a été rapporté par l'imam Ahmad et d'autres également. Et donc As-Sumaniyya, Cheikh Muhammad Aman Al-Jami, il dit que As-Sumaniyya, il dit que Cheikh Muhammad Aman Al-Jami dans son charh, il dit que As-Sumaniyya, ce sont les hindous, ce sont les bouddhistes. Il dit que ce sont les bouddhistes, donc les philosophes bouddhistes. Et à ce sujet, justement, le cheikh Abdelaziz al-Rajihi, dans son charh Al-Nafahat al-Miskiya, Al-Fatwa al-Hamawiya, il mentionne l'événement ou la rencontre de Jahm ibn Safwan lorsqu'il a rencontré As-Sumaniyya. Qu'est-ce qui s'est passé comme discussion entre eux? Il dit At-Tawa'if As-Sumaniyya ta'ifatun min falasifati al-Hind. La yu'minuna illa bil-hissiyat. Donc les philosophes de l'Inde, qui sont à l'origine ou à la base du bouddhisme, ce sont des philosophes de l'Inde qui ne croient que en les choses qu'on peut connaître avec nos sens, avec les cinq sens. Tout ce qui est en dehors de nos cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, hein, et l'odorat, le toucher, et en tout cas l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le cinquième là. Subhanallah, ah oui, le goût. Donc, c'est ça. Donc, ils disent, on ne peut pas connaître rien en dehors de ça. Tout ce qui est du monde, du domaine de l'invisible, existe. Yani pour eux, ça n'existe pas. Donc, Al-Jahm ibn Safwan, il a débattu avec eux. Il a voulu débattre avec eux. C'est ça le danger de débattre avec des gens comme ça. Hein, surtout si tu n'as pas de science de la sunna et tu ne connais pas la aqidah. Donc, Al-Jahm, le cheikh dit, ناظروا الجهم وشككوه في ربه قالوا له إلهك هذا الذي تعبده هل رأيته قال لا قالوا هل سمعته بأذنك قال لا قالوا وهل شممته بأنفك قال لا قالوا هل ذقته بلسانك قال لا قالوا وهل جسسته بيدك قال لا قالوا إذن هو معدوم فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما ثم نكص الشيطان في ذهنه إثبات وجود في الذهن وأثبت وجودا لربه في الذهن ونفى عنه جميع الأسماء والصفات ونعوذ بالله. Donc le cheikh il dit que Al-Jahm il a rencontré ces gens-là à Soumaniya et ils l'ont fait douter en son Dieu. Ils l'ont fait douter en Dieu. Ils ont dit ton Dieu, celui que tu adores, est-ce que tu l'as déjà vu? Il a dit non. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Il a dit non. Est-ce que tu l'as déjà senti avec ton nez? Il a dit non. Est-ce que tu l'as déjà goûté avec ta langue? Il a dit non. Est-ce que tu l'as déjà senti avec ta main? Il a dit non. Alors dans ce cas-là, il n'existe pas. Il a dit dans ce cas-là, il n'existe pas. Alors Jahm ibn Safwan, il a douté en Dieu. À ce moment-là, il a abandonné la salat pendant 40 jours. Puis le shaitan lui a soufflé cette idée-là dans sa tête. Hein, il lui a insufflé cette idée-là dans son esprit d'affirmer une existence abstraite dans son esprit seulement. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié tous les attributs d'Allah et tous ses noms. Et il a affirmé un Dieu qui n'existe que dans son esprit, dans son imagination, dans sa tête. Un Dieu sans attributs, sans nom. Et on sait qu'il n'y a rien qui existe, excepté qu'il a des attributs et des noms. Hein? Donc, un Dieu, lui, il a inventé un autre Dieu qui n'a pas d'attributs et qui n'a pas de nom. En réalité, son Dieu n'existe pas. Et le cheikh il dit ensuite, il dit والقول بقدم العالم كفر ومعناه أنه ليس له موجد وهو إنكار لوجود الله وأن هذا العالم وأن هذا العالم ليس له خالق وهذا معنى القول بقدم العالم أي أنه مخلوق وليس له خالق وهذا الذي قال به أرسطو فهو أول من قال بقدم العالم وكان الفلاسفة قبله لا يقولون بهذا بل يعظمون الشرائع ويثبتون حدوث العالم ويقولون حدوث العالم وعلى هذا فأرسطو أول من قال بقدم العالم قبحه الله. Donc le cheikh il dit le cheikh il dit que al-qidam al-alam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde pour eux, yani pour ces philosophes là, le monde il est éternel. Il n'a pas de début. Il n'a jamais commencé, il est éternel et il n'a pas de fin non plus. Hein? Et ça c'est la même chose que les philosophies actuelles que les athées et les kuffars propagent, comme l'idée de la théorie de la relativité ou des choses comme ça. Ils disent qu'il y a eu un Big Bang, mais avant le Big Bang, il y avait d'autres choses. La matière, elle fait juste se transformer, puis elle se transforme d'énergie en matière et de matière en énergie. Et puis ça va comme ça à l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc pour eux, le monde n'a pas de début, n'a pas de fin, et le monde n'a pas de créateur. Hein, le monde n'a pas de créateur, il est apparu tout seul. C'est ça la croyance des bouddhistes, c'est ça la croyance athées, c'est ça la croyance des philosophes, de la plupart des de certains philosophes, disons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent ça en arabe qidam al-alam, c'est-à-dire que le monde est éternel pour eux, infini, sans début et sans fin. Et ça, c'est du kufr, c'est du shirk, comme le shaykh le dit. Ça implique que le monde n'aurait pas de créateur et ça implique la négation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça implique de dire que le monde n'a pas de créateur. Et c'est ça que ça veut dire, qidam al-alam. Et c'est ça les philosophies de certains scientifiques aujourd'hui. C'est ça ce qu'ils enseignent. Une des bêtises aussi que j'ai entendues une fois, certains ont mentionné comme si ils disent qu'on est dans l'après-Big Bang, que le monde est en expansion, ça c'est ce qu'ils prétendent, puis qu'après, eh bien, tout va revenir en arrière. C'est-à-dire, on va tout revivre à reculons, les mêmes événements, puis on va retourner à zéro. Comme si ça vient, et comme si l'univers était comme un ressort qui s'expand, qui se rétracte, comme ça, à l'infini, en tout cas. Des histoires à dormir debout, comme on dit. Ça, c'est sans parler de la théorie de Darwin et de l'évolution et autre chose de ce genre. Tout ça, c'est des philosophies, des théories basées sur le kufr et le shirk. Hein? Et le seul but derrière ces théories-là, c'est d'éliminer la croyance en Dieu chez les gens et d'éloigner les gens de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Sinon, tu les vois, ces philosophes et ces scientifiques aujourd'hui, quand ils parlent de la création d'Allah, ils disent « Oh, ça c'est la nature qui fait ça ». Et justement, j'étais en voiture le jour de Eid. Je crois que c'était le jour de Eid ou bien avant. J'étais en voiture, j'écoutais la radio et il y avait une émission, il parlait des maïs, du maïs à éclater, comme on appelle le popcorn. Okay? Et c'est étonnant parce qu'ils expliquaient qu'il y a des centaines de variétés de maïs, mais qu'il y a une seule sorte qui fait du popcorn. Parmi toutes les différentes sortes de maïs, il y en a une seule qui peut faire du popcorn. Et il expliquait la raison pour laquelle ce maïs-là en particulier était capable de faire du popcorn. Il expliquait que c'est par rapport à sa forme et à sa composition chimique. Et il donnait l'explication que la pression à l'intérieur du grain de maïs pour le popcorn, elle est très grande. Et il y a de l'eau à l'intérieur et il y a des protéines. Donc, lorsque on fait chauffer le grain de popcorn, eh bien, l'eau qui est à l'intérieur du grain, étant donné que l'écorce ou l'enveloppe du grain est très, très, très dure, eh bien, la pression qui est à l'intérieur, elle fait que la température d'ébullition de l'eau à l'intérieur, elle monte jusqu'à 180. L'eau monte jusqu'à 180. Alors que à la pression atmosphérique habituelle, elle bouille à 100 degrés. Hein. Donc, étant donné que la température et la pression est tellement grande à l'intérieur du grain de maïs, eh bien, le grain, il éclate. Et pendant que ce grain est en train d'éclater, eh bien, les protéines qui sont à l'intérieur, elles se refroidissent au contact de l'air. Elles se refroidissent tellement rapidement qu'elles figent. Et c'est ça ce qui fait la forme, justement, du popcorn. Et donc, l'animatrice qui présentait l'émission et qui parlait, qui entendait l'explication de ce scientifique qui expliquait cette chose-là, elle lui demande, elle dit, c'est merveilleux, c'est qui est-ce qui fait ça, hein, qui est-ce qui a fait ça. C'est comme si elle s'étonne et elle est émerveillée. Donc le scientifique, le chimiste qui répond, il dit, mais ça c'est la nature. Et c'est la nature qui a fait ça. Ajib. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui, comme on a dit, ils amènent des théories pour éliminer la foi en Dieu chez les gens et pour éviter de parler du Créateur. Et ils disent, quand on leur pose des questions, qui fait ça, comment ça se fait, hein, et ils ramènent la nature. Et quand on leur demande, mais c'est qui la nature et c'est quoi la nature, eh bien, ils ne peuvent pas répondre. Parce que la nature, c'est quelque chose d'abstrait, ça n'existe pas. Hein. C'est quelque chose qui qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de savoir, qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de puissance. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour éviter de mentionner le Créateur, pour éviter de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et avec ses attributs, tel qu'il s'est fait connaître à l'humanité par sa révélation et par ses prophètes et par ses messagers à travers l'histoire, ils refusent de l'admettre parce qu'ils savent qu'est-ce que ça implique. Ça implique que si tu affirmes que Allah existe, ça implique que tu dois croire en lui, que tu dois obéir à ses messagers, que tu dois te soumettre à ses révélations et que tu dois l'adorer et que tu dois n'adorer que lui. Et eux, ils ne veulent pas ça. Donc, par orgueil, par fierté, par arrogance, ils refusent de l'admettre. Et c'est ça le malheur. Donc ça, c'était juste une parenthèse en passant pour comprendre un petit point comme ça, c'est très intéressant des fois. Donc, ça, c'est ce qui a rapport avec l'origine de ces idées de négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut pas se confondre. Quand on parle de négation des attributs d'Allah, eh bien, c'est équivalent à nier l'existence de Dieu. Parce que ce n'est pas nécessaire pour nier l'existence de Dieu de nier son existence complète, totale. Parce que si tu nies, par exemple, une des attributs d'Allah ou un de ses noms, eh bien, ça équivaut à le nier lui aussi. C'est pour ça que l'athéisme, comme on le traduit, les gens pensent que l'athéisme, ça veut dire quelqu'un qui nie que Dieu existe de façon absolue. Alors que dans l'islam, qu'est-ce qu'on appelle al-ilhad, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Quelqu'un peut être un mulhid parce qu'il a nié une ou deux ou trois ou plus parmi les attributs d'Allah ou parmi ses noms. C'est pas nécessaire que tu nies tous ses noms et tous ses attributs pour être un mulhid. Donc c'est pour cette raison-là que il y a des gens qui peuvent dire oui, je crois que Dieu existe, mais sont des athées quand même sur le point de vue islamique, ils sont des athées quand même, parce qu'ils n'ont pas attribué tous les noms à Allah et tous les attributs à Allah, Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, le cheikh il dit wa ba'du falasifati al-Hind, le cheikh il dit hadhihi afatun aydan rabi'ah. وهي أن الجهم أخذ عن السمنية وهم فلاسفة الهند البراهمة. Ça c'est un autre. Le cheikh dit ça c'est un autre malheur de Jahm ibn Safwan. Il a pris aussi d'un autre groupe, un quatrième groupe égaré, c'est-à-dire As-Sumaniya, comme on l'a dit tout à l'heure, les philosophes de l'Inde. Il a pris des juifs, des chrétiens, des Sabi'a, des philosophes. Et Yanni, c'est-à-dire Yanni, par exemple, les Soumaniens, et ainsi de suite. Après, il dit وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. Il dit et ce sont ceux qui nient des sciences, ceux qui est en dehors des cinq sens. Ceux qui dépassent les cinq sens, ils le nient. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit لا يؤمنون إلا بما يرونه أما ما غاب عنهم فلا يؤمنون به لا يؤمنون أن هناك ربا ولا بعثا ولا نشورا ولا يؤمنون بالماضي إنما يؤمنون بالحاضر الذي يرونه فقط وهؤلاء يسمون الآن الماديين لأنه لا يؤمنون بالمادة المحسوسة. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit ces gens-là, ils ne croient que en ce qu'ils voient, Mais ceux qui cachés d'eux, ceux qui ne peuvent pas voir, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu. Ils ne croient pas qu'il y a une résurrection et qu'il y aura un rassemblement après la mort et une résurrection. Ils ne croient pas en le passé. Ils ne croient qu'en le présent. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir seulement? Et le chef, il dit, ceux-là, on les appelle actuellement des matérialistes. Hein? On les appelle aujourd'hui les matérialistes. Hein? Et surtout, on les appelait les matérialistes, surtout parmi les communistes, les socialistes, les communistes. Hein? Ils étaient vraiment sur une forme d'athéisme féroce et violente. Hein, ils étaient vraiment agressifs contre toutes les religions. Ils voulaient la destruction de toutes les religions, et en particulier de l'islam. Donc, bien entendu, il y a d'autres groupes ou tendances qui sont matérialistes aussi, à part les communistes, mais qui sont peut-être pas aussi, qui n'étaient pas aussi agressifs, par exemple. Après, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils ne croient qu'en la matière qui est palpable. Après, il dit, le cheikh, فَهَذِهِ أَسَانِيدُ جَهْمٍ تَرْجِعُ إِلَى الْيَهُودِ وَالصَّابِئِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفَلَاسِفَةِ الضَّالِّينَ إِمَّا مِنَ الصَّابِئِينَ وَإِمَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc, le cheikh, Ibn Taymiyyah, il dit, voici les chaînes de transmission de Jahm. Elles reviennent à qui? Aux juifs, aux sabi'in, parmi les mushrikin et parmi les philosophes égarés, soit parmi les sabi'in, les philosophes égarés, soit d'origine des sabi'in ou bien d'origine des mushrikin. Cheikh Al-Fawzan dit, هذه أسانيد جهم الذي تتلمذ على أهل الضلال وهذه حصيلته وهذه نتيجته وعاقبته. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux aujourd'hui qui sont en train de nier les attributs d'Allah, ils se basent sur ça. C'est ça leur chaîne. C'est vers ça qu'ils reviennent. Parce que les Asha'ira et les Maturidiyya, ils ont pris leur tendance des Asha'ira. Ils ont pris leur tendance des Mu'tazila. Ils sont influencés par les Mu'tazila. Et les Mu'tazila découlent des Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah, eh bien, il découle de Jahm ibn Safwan et de Ja'd ibn Dirham. Et Ja'd ibn Dirham, d'où est-ce qu'il a pris ses croyances et ses idées? Il les a pris des mushrikines, des juifs et des chrétiens, des mushrikines, des philosophes, des sabi'ines et des... Hein, et ainsi de suite. Donc, c'est ça leur base. C'est de là que ça vient. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Tous ces sectes-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Après, le cheikh, il dit... c'est-à-dire l'origine de leur croyance n'a rien à voir avec l'islam, même si par la suite ils ont mélangé ça avec l'islam. Il dit ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء. Donc le cheikh il dit, puis Ibn Taymiyyah il dit, puis quand les livres des Romains, quand les livres des Romains ont été traduits dans la période des, il y en a vers la fin des années 200, hein, dans la fin des années 200, c'est là que le malheur a commencé à augmenter, c'est là que les choses ont commencé à devenir plus graves encore, hein, parce que un des khulafa à l'époque a fait traduire en arabe tous les livres des philosophes et des trucs de ce genre. Donc, ça a fait augmenter encore plus les problèmes et les égarements de ces sectes. Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يريد الشيخ أن يبين متى دخل الضلال على المسلمين. Donc, le Cheikh il veut expliquer quand est-ce que l'égarement est rentré parmi les musulmans. فيقول بداية دخول الضلال على المسلمين لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون. Donc, il dit que le début de l'entrée de l'égarement chez les musulmans, ça a été lorsque les livres des Romains ont commencé à être traduits, à l'époque de Al-Ma'mun, Khalifa qu'on appelait Al-Ma'mun. Et naam. Et l'imam Ahmad, il a été à cette période-là. On va en parler tout à l'heure. On va mentionner la fitna qui est arrivée avec lui. Mais juste pour que vous sachiez, par rapport au Khulafa, j'ai trouvé une explication très intéressante tout à l'heure. Donc, je pense que ça peut être intéressant de juste le mentionner. Par rapport à la mihna de l'imam Ahmad, l'imam Ahmad a vécu pendant la vie de 8 Khulafa parmi les Abbasiyyin, parmi les Khulafa de Bani Abbas. Imaginez. À son époque, pendant sa vie, il y a eu 8 Khalifa différents, un après l'autre. Subhanallah. Donc, il y a eu le premier, Al-Mahdi. Ensuite, le deuxième, Al-Hadi. Ensuite, Al-Rashid. Ensuite, Al-Amin. Donc, ça, c'était les 4 Khulafa qui ont vécu, qui étaient sur le madhab des salafs, c'est-à-dire ceux qui étaient salafis, parmi les Khulafa qui vivaient à l'époque de l'imam Ahmad, qui ont vécu pendant la vie de l'imam Ahmad. Ces 4-là, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid et Al-Amin, ceux-là, ils étaient sur la Aqida et la voie des salafs dans la Aqida. Ils affirmaient les attributs d'Allah et ils ne les niaient pas. Ensuite, sont arrivés Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim et Al-Wathiq. Et ces 3-là étaient sur la Aqida des Mu'tazila et c'est eux qui ont ouvert la porte de la fitna et qui ont commencé à faire les inquisitions et à tester les gens pour la croyance des Mu'tazila, hein, et de torturer toute personne qui refusait de dire que le Coran est créé. Hein. Donc, ça c'est les 3. Donc ça fait, on est rendu à 7. Puis le 8e Khalifa, c'était Al-Mutawakkil et c'est lui qui a retiré l'épreuve et la fitna. C'est lui qui a retiré la fitna et qui a raffirmé la parole des gens de Ahl-Sunnah et qui a remis l'imam Ahmad en liberté. D'accord? Donc, ça c'était pour comprendre donc ces points-là. Le khalifa qui a commencé la fitna c'était Al-Ma'mun et la tête de la fitna c'était un des Mubtadi'a parmi les Jahmiyyah qui s'appelait Ahmad ibn Abi Duwad, hein, parmi les Mu'tazila. C'est lui qui a commencé à vouloir faire la fitna à l'imam Ahmad et qui a encouragé le khalifa contre lui. Et les épreuves ont commencé en l'an 218. Et les châtiments contre l'imam Ahmad ont été multiples et nombreux par rapport à la parole de vouloir imposer aux gens l'idée que le Coran est créé. Donc, soit il les enfermait, soit il leur donnait des problèmes, il leur rendait les choses difficiles, il les frappait, il les retirait de leur poste, si c'était des juges ou des imams ou autres, et il leur coupait les revenus qui venaient de Bayt al-Mal. Hein? Et parmi les ulama qui ont été éprouvés, il y en a eu de nombreux. Parmi eux, Muhammad ibn Sa'ad, Yahya ibn Ma'in, Abu Khaythama, Abu Muslim, et beaucoup d'autres. Donc, ça c'était juste pour faire une note en passant, parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'il y a eu 8 khalifas qui ont vécu pendant la vie de l'imam Ahmad. Subhanallah. Donc, ensuite, donc c'est ça, Al-Ma'mun, il a fait traduire les livres. Le cheikh il dit, وهي تشمل على الفلسفة وعلم الكلام والمنطق ويسمونها براهين وأدلة لأنهم ليس عندهم شيء من الوحي وإنما يعتمدون على عقولهم وعلى ما يقوله قدماؤهم ويتوارثونه وكان الإسلام سالما من هذه الكتب وكان المسلمون مقتصرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف من الصحابة والتابعين، ولم يحدث خلل عند المسلمين بسبب أنها لم تدخل عليهم هذه الكتب وليست بلغتهم ولا يعرفونها، لأنها كتب أعجمية، وكانوا مستغنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit donc ces livres qui ont été traduits, ils comprenaient des livres de philosophie, des livres de dialectique et de logique grecque, et ils appellent ça les preuves ou les évidences, hein. Et eux, pour eux, c'est pas important, la révélation, c'est pas important. Ils se basent uniquement sur leur logique, hein, sur leur raison, et sur ce que leurs anciens ont dit. Et ils s'irritent les uns les autres ces paroles-là, hein, les paroles de leurs philosophes anciens. Et l'islam était épargné de ces livres. Les musulmans se limitaient uniquement aux livres d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et se limitaient à la parole des salafs parmi les sahaba et les tabi'in. Et il n'y a pas eu aucun problème qui s'est produit parmi les musulmans. Car ces livres-là étaient, yani, ils n'étaient pas entrés chez eux. Et c'était des livres dans une autre langue qu'ils ne connaissaient pas. C'est des livres étrangers. Hein. Donc, les musulmans se passaient complètement de ces livres-là et ils se suffisaient du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsqu'est arrivé, le cheikh dit « ثم في عهد المأمون العباسي كان مغرما بتلك الكتب الأجنبية بسبب البطانة التي عنده من المعتزلة الذين يعتمدون على علم المنطق وهو ولي الخليفة وهو ولي الخلافة بعد أخيه الأمين لما توفي هارون الرشيد رحمه الله خلفه بعده ابنه الأمين ثم إن المأمون سار عليه وشق عصا الطاعة عليه وانتهى الأمر بتولي المأمون وكان رجلا ذكيا وقويا ولكنه استوزر أهل الضلال من المعتزلة كبشر المريسي وابن أبي دواد وكان يميل إلى هؤلاء فأثروا عليه في عقيدته واستمالوه إلى هذه الكتب ومدحوها عنده وكان مغرما بالثقافة والعلوم فتأثر بها. Donc le cheikh explique que Al-Ma'mun, à l'époque de Al-Ma'mun Al-Abbasi, eh bien Al-Abbasi Al-Ma'mun, son nom c'est Abdullah ibn Harun Al-Rashid. Il est né en 170, il est mort en 218. Et c'est lui qui a ordonné de faire traduire les livres en arabe, les livres de philosophie et autres. Et c'est lui qui a appelé à dire que le Coran est créé. Hein, il est allé loin là-dedans. Donc, lui, il aimait les livres étrangers à cause des fréquentations qu'il avait et de ses conseillers qui faisaient partie des Mu'tazila. Il les a rapprochés de lui. Et ceux-là se basaient sur la science de l'art rationnel, la logique grecque et des trucs de ce genre. Donc, lorsqu'il a pris le khilafa, il est devenu le khalifa après son frère Al-Amin, parce que avant Al-Amin, il y avait Harun al-Rashid, qui était le khalifa. Puis, Harun al-Rashid est mort. Donc, son fils a pris le pouvoir après lui, Al-Amin. Puis, ensuite, il y a eu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun qui est venu. Et il s'est révolté contre le fils de Harun al-Rashid. Hein, il a pris le pouvoir, il a brisé le bâton de l'autorité du dirigeant, et il a pris sa place. Hein, et il est devenu le khalifa après avoir tué ou après avoir enlevé le pouvoir au fils de Harun al-Rashid. Il y a plein d'histoires comme ça dans l'histoire de la Umma. C'est pour dire en même temps, juste en passant, ceux qui disent pourquoi ceux qui disent pourquoi, par exemple, on appelle l'Arabie Saoudite Saoudite. Hein? Pourquoi on a donné le nom d'une famille à un pays? Il y en a parmi les takfirines, ils n'aiment pas ça. Et pourtant, bon, la même chose a été faite dans toutes les différentes dynasties des Khulafa avant, comme l'Abbasiyya, c'est la même chose. Hein? Pourquoi on l'a appelé Abbasiyya? Pourquoi on a appelé ce pays-là Abbasiyya? Et la même chose avant, qu'on a l'Umawiyya, pourquoi on l'a appelé Umawiyya? Et l'Uthmaniyya, pourquoi on l'a appelé Uthmaniyya? Donc, ou Al-Saljoukiya, pourquoi on les a appelés Al-Saljoukiya? Tout ça, c'est la même chose. Les dirigeants ont toujours fait ça, ils donnent le nom de leur famille à leur dynastie. Et en même temps aussi, on voit que le père Harun al-Rashid, celui qui l'a succédé, c'est son fils. Et des fois, c'était son frère. Hein? Et des fois, c'était un autre. Donc, comme qu'est-ce qui se passe actuellement hein, en Arabie Saoudite. Donc, ils disent, ah, ça, c'est contraire à l'islam. Dans l'islam, ça doit pas être comme ça. Hein? Alors que ça a toujours été comme ça. Hein? Et même, on regarde l'exemple à l'époque des Sahaba et autres. Allez, c'est des choubouhats que ces gens-là ramènent. Et ici, on voit un exemple aussi que Al-Ma'moun, il a pris le pouvoir. Il a enlevé le pouvoir à Al-Amin. Et il est devenu le khalifa. Et les gens lui ont donné la baya, malgré qu'il l'a pris injustement. Hein? Donc ça, c'est pour montrer que ça, c'est un des principes de Ahl Sunnah al-Jama'a. C'est que même si quelqu'un prend le pouvoir sans que ce soit correct, sans que ce soit en accord avec l'islam, du moment qu'il est au pouvoir et qu'il est installé au pouvoir, eh bien, les musulmans lui donnent la bay'a, même si il l'a pris par la force. C'est lui qui devient le khalifa après. Hein? Ça, c'est un des fondements et des principes dans les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Après, le cheikh, il dit, « Wakana rajulan dakiyan. » Donc, c'était un homme intelligent. Et il a pris malheureusement comme ministre des gens de l'égarement parmi les Mu'tazila, comme Bishr al-Murrisi et Ibn Abi Duad. Et il penchait vers ces gens-là, il avait un penchant vers eux. Donc, il a été affecté par leur aqida, hein, et il a penché vers les livres de ces gens-là. Et lorsqu'il a vu que ces gens-là ont commencé à glorifier les livres des Grecs et des philosophes et autres, hein, et lui, il aimait la culture et les sciences et tout, donc il a été affecté par ça, donc il a fait traduire ces livres-là. Et le cheikh, il fait une note en passant, cheikh Al-Fawzan, il dit « وَهَكَذَا الْإِنسَانِ يَتَأَثَّرُ بِجُلَسَائِهِ وَبَطَانَتِهِ إِذَا كَانُوا بَطَانَةَ السُّوءِ فاعتنق مذهب الاعتزال والقول بخلق القرآن وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن وامتحن الناس محنة شديدة وقتل منهم من قتل وضرب منهم من ضرب وضرب الإمام أحمد وسجنه ولكن الإمام أحمد رحمه الله ثبت وصمد وصبر على الضرب والحبس والإهانة وتطاول المأمون على الأئمة وكل هذا بسبب جلساء السوء وإلا فهو في الأصل ليس منهم ولكن أثروا عليه فاعتنق مذهبهم وظنه حقا وأنه براهين وأدلة فانطلع عليه المذهب. Donc le cheikh il explique que ça, il fait une note en passant pour dire, et c'est ça qui arrive lorsqu'on prend des mauvais compagnons et qu'on s'assoit avec des gens qui sont pas des gens du bien, hein, des fréquentations et des gens de on prend des mauvais conseillers, c'est ça ce qui arrive. Donc il est devenu Mu'tazili, il a rentré dans la voie des Mu'tazila et il a dit que le Coran était créé et il a voulu imposer ça à tout le monde, hein, de dire que le Coran est créé, et il a fait une inquisition et il a éprouvé tout le monde d'une façon très très féroce, yani. Il a même tué beaucoup de gens. Et il en a frappé d'autres. Et il a fait torturer l'imam Ahmad. Il l'a emprisonné pendant longtemps. Mais l'imam Ahmad, il est resté ferme. hein. Il est resté ferme, il a été patient et endurant. Il a enduré les coups, il a enduré l'emprisonnement, il a enduré l'humiliation, hein. Et l'imam, le khalife al-Ma'moun, il a imposé ça à tous les imams, à tous les ulama. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause des mauvaises fréquentations. Et de s'asseoir avec les gens qui ne sont pas parmi les gens du bien ou parmi les gens de la sunna. Donc, à la base, il ne faisait pas partie des Mu'tazila. Mais les Mu'tazila l'ont influencé. Et il est rentré dans leur voie. Hein? Il a pensé que c'était la vérité et que c'était des arguments, des preuves, des évidences. Hein? Donc, il est rentré dans leur voie. Le cheikh dit « Voilà qu'un imam Ahmad » ولكن الله قيض الإمام أحمد رحمه الله فثبت واقتدى الناس به وصبر على السجن والضرب والمحنة ثم لما مات المأمون خلفه أخوه المعتصم وصار على نفس خط المأمون. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc a suscité, donc a fait en sorte que l'imam Ahmed soit ferme, hein, il a ramené l'imam Ahmed pour défendre cette sunna et pour qu'il reste, donc il est resté ferme et les gens se sont basés sur son exemple. Donc il a enduré la prison, il a enduré les coups, il a enduré l'épreuve, puis le calife al-Ma'moun est mort. Et c'est son frère qui l'a succédé, Al-Mu'tasim. Et il est resté sur la même voie que son frère, Al-Ma'moun. Et il a continué l'épreuve. Il a fait continuer l'épreuve. Wa daraba l'imam Ahmad wa sajanahu. Il a frappé l'imam Ahmad et il l'a emprisonné lui aussi. Thumma ja'a ahd al-wafiq ba'da al-Mu'tasim. ثلاثة خلفاء كلهم على هذا المنوال والإمام أحمد رحمه الله ثابت لا يتضعضع والناس ينظرون إليه ماذا يقول فكانوا يضربونه ليقول بخلق القرآن وهو يقول هاتوا لي دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله القرآن منزل غير مخلوق. Donc le cheikh il explique que puis après Al-Ma'moun donc est venu son frère Al-Mu'tasim qui était sur la même voie et il a continué l'épreuve, puis il a frappé l'imam Ahmad, puis est venu ensuite après la mort de Al-Mu'tasim, il y a eu Al-Wasiq qui a pris sa place. Et Al-Wasiq Al-Mu'tasim Muhammad ibn Donc, c'est ça. Donc, Al-Wasiq, pardon. Oui, c'est ça. Al-Wasiq, min ba'di Al-Mu'tasim. Donc, après Al-Mu'tasim, il y a eu Al-Wasiq. Donc, c'était trois khulafa. Ils se sont suivis, les uns après les autres. Et ils sont restés sur la croyance des Mu'tazila. Et l'autre, Al-Wasiq, il est resté sur cette voie jusqu'à sa mort. En 227, c'est Al-Mutawakkil qui l'a enlevé, hein, qui a pris sa place et qui a retiré l'épreuve des Mu'tazila. Donc, il dit, l'imam Ahmad, il est resté ferme pendant la vie de ces trois khulafa Mu'tazili. Et les gens le regardaient pour savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Est-ce qu'il allait dire qu'est-ce qu'on lui demandait de dire? Hein? Est-ce qu'il allait dire que le Coran est créé? Donc il le frappait pour le faire dire que le Coran est créé et lui il restait ferme et il disait donnez-moi une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il demandait une preuve des textes, hein? Et eux ils n'avaient pas de preuve. Donc il a dit le Coran est révélé, il n'est pas créé. Ensuite il dit ثم إن الله أذن بالفرج فمات الواثق ويقال إنه رجع في آخر أيامه والله أعلم ولكن مات وجاء بعده المتوكل ابن المعتصم فناصر السنة ورفع المحنة وكرم الإمام أحمد فعند ذلك انتصر الحق على يد المتوكل رحمه الله وقرب الإمام أحمد وكرمه وأيده فزالت المحنة والحمد لله وانتصر أهل الحق وانتصر أهل الحق واندحر أهل الباطل. Donc le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a amené sa, a donné sa, sa délivrance et Al-Wasiq est mort. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il est revenu à la vérité. Wallahu a'lam. Mais il est mort. Hein, il est mort, puis c'est Al-Mutawakkil, le fils de Al-Mu'tasim, qui a pris le pouvoir par la suite. Et yani, il a défendu la Sunna. Et il a retiré les preuves et l'inquisition. Et il a honoré l'imam Ahmad. Et à ce moment-là, il a donné la victoire à la vérité. Par la main de Al-Mutawakkil, rahimahullah. Et il a rapproché l'imam Ahmad, il l'a honoré, il l'a défendu, il l'a supporté. Et il a retiré les preuves. Alhamdulillah. Donc les gens de la vérité ont été victorieux. Et les gens de la fausseté ont été écrasés. Et aïna'am. Donc il dit وما عم ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. أينعم. Donc le cheikh il dit avec ce que le shaitan, Ibn Taymiyyah dit avec ce que le shaitan a jeté dans le cœur des égarés au départ, c'est de la même catégorie que ce qui avait été jeté dans le dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui leur ressemblent. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit هناك ناس أهل ضلال ولكن كانوا ساكتين عن على ضلالهم فليس كل المجتمع يكون صالحا وصافيا لا بد أن يكون فيه من أهل الضلال ولكن إذا رأوا قوة الحق سكتوا وإذا سنحت لهم الفرصة أظهروا ما عندهم ولذلك لما عربت هذه الكتب ظهر شرهم واستعانوا بهم واستعانوا بها سلاحا في نحور المسلمين مثل ما تشاهدون اليوم لما جاءت هذه الفتنة من الكفار على الإسلام وأهل الإسلام ظهر من المسلمين من يؤيد الكفار ويدعو بدعوتهم وظهر من أولاد المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم من انحاز إلى صف الكفار يؤيدهم ويحبذ أفكارهم ويروج لها هذه سنة الله في خلقه إنه يبتلي عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق أم حسبتم أن تتركوا أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وكان الله وما كان الله ليقنعكم على الغيب يعني الآية فلا نعرف أهل الشر إلا عند الفتن. Donc le cheikh il explique que, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui, le cheikh il explique que pour commenter à propos de ce qu'il a dit, il a dit qu'il y a des gens de l'égarement, hein, il y a des gens de l'égarement, mais ils se taisent, ils n'exposent pas leurs égarements, ils ne le disent pas ouvertement qu'ils sont dans l'égarement, ils ne montrent pas leurs égarements ouvertement. Et il dit c'est pas toute la société qui est correcte, qui est pieuse, qui est droite. Hein? Dans la société, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Et il faut que il y ait dans la société des gens de l'égarement quand même. Il y a une proportion de gens de l'égarement. Mais lorsqu'ils voient la force, que la force est avec la vérité, eh bien, ils se taisent. C'est-à-dire, ils n'expriment pas leurs égarements ouvertement. Mais lorsqu'ils ont la chance ou l'opportunité, eh bien, ils en profitent pour laisser paraître qu'est-ce qu'ils ont en eux-mêmes d'égarement. Et donc, à l'époque de Al-Ma'mun, lorsque les livres ont été traduits, eh bien, c'est là qu'on a vu apparaître leur mal. Et ils ont utilisé ça comme une arme dans la gorge des musulmans, hein, comme une lance, une épée dans le cou des musulmans. Et ils disent exactement qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, vous êtes témoin de ça aujourd'hui, lorsque la fitna des kuffars est apparue contre les gens de l'islam et contre les musulmans. Contre l'islam et contre les musulmans. Tu vois aujourd'hui, par exemple, que les kuffars, ils viennent dans les pays musulmans, hein, ou bien ils parlent contre les pays musulmans, et contre les musulmans, et contre l'islam, et contre la charia, et ils critiquent les musulmans et l'islam, et ils appellent les musulmans, ils disent « Ah, vous les musulmans, vous devez accepter la laïcité, vous devez accepter la démocratie, vous devez commencer à réformer et changer votre religion, la réinterpréter, que ce soit en accord avec nos idées, à nos croyances, et nos principes, hein, et nos valeurs, et ainsi de suite. » Donc, il dit, on a vu apparaître certains d'entre des musulmans qui supportent les koufars, hein, et qui appellent à la même chose que les koufars. Et on a vu apparaître parmi les enfants des musulmans des gens, et même des gens qui prétendent à la science, hein, se mettent du côté des koufars, dans le rang des koufars, et qui les défendent, hein, et qui propagent les idées des koufars avec eux. Hein. Donc le cheikh il dit, ça c'est la règle d'Allah dans sa création, qu'il doit mettre ses serviteurs à l'épreuve pour distinguer qui est le sincère croyant de celui qui est un munafiq, c'est-à-dire de celui qui est un hypocrite. Et il mentionne le verset 16 dans sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que vous serez délaissés cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché d'alliés en dehors d'Allah et de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Hein? Et il mentionne le verset 179 dans Surat Al-Imran. Le premier, c'est le verset 16 dans Surat Tawbah, et l'autre verset que le Cheikh mentionne, c'est le verset 179 dans Surat Al-Imran. Il dit, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Hein? Et Allah n'est tel. Alhamdulillah. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Donc tout ce qui se passe actuellement comme difficulté, hein, comme attaque féroce de la part des koufars, hein, contre l'islam et contre les musulmans. Hein, et ça, on le voit même ici au Québec maintenant avec l'histoire de chartes qu'ils ont inventées, hein, et qu'ils veulent amener à interdire les signes religieux, comme ils disent, mais c'est toujours une attaque contre l'islam. Eh bien, tu vois parmi les gens qui se disent musulmans, parmi des gens qui font partie des musulmans, des gens qui défendent ces idées-là et qui supportent les koufars et qui disent oui, nous on est d'accord avec la laïcité, avec ci et avec ça, et on est avec eux. Donc ça c'est des munafiqs, ça c'est des hypocrites, il y en a toujours des hypocrites. Mais dans les moments de faiblesse des musulmans, ils sont encore plus apparents, puis ils se montrent. Et c'est ça qui nous aide à les reconnaître. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, on ne peut pas connaître les gens du mal, excepté lorsqu'il y a des fitanes. Et c'est ça, d'un certain point de vue, c'est ça le bien qu'il y a dans la fitna, c'est que quand vient une fitna, elle nous fait voir le vrai visage des gens. Et elle nous aide à découvrir la réalité des gens. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين